vois plus le bout de sa vie, sans plus dans son ciel. Ces mots, les mots que tu dis, sont déjà plus pareils. Tant de routes, tant de doutes, il a bien compris. Quand un ami en déroute a dit qu'elle est partie. Elle manque à ses nuits, elle manque à sa vie. Tellement, tellement qu'il voudrait décrocher la lune dans le caniveau. Oh, elle manque à ses nuits, oh, elle manque à sa vie. Tellement, tellement qu'elle pourrait lui voler la lune dans le caniveau. Dans le caniveau. Il crie les preuves de ses preuves, chose qu'on peut plus dire. Il cherche l'espoir de ses soirs, y'a plus rien qui respire. Oh, elle a beau dire qu'elle aime, comme elle t'aimait toi. Elle vit tous les jours quand même, trop bien quand t'es pas là. Où un ami en déroute disait elle est partie.